Chapitre 15. Le lendemain de cette soirée, Magali dut revêtir encore son costume d'arlésienne. Madame de Sollefeuille lui avait demandé la faveur de faire son portrait et la jeune fille s'était prêtée complaisamment à cette petite corvée qui devait d'ailleurs se trouver très atténuée par la bonne grâce de la jeune femme. Elle descendit pour gagner le salon où devait avoir lieu la séance. Mais à l'entrée du hall, elle s'arrêta un peu indécise. Un groupe se tenait là, composé de Lady Isabelle, du duc de Saldif et de plusieurs autres jeunes gens, parmi lesquels se trouvait Freddy. Tous étaient en costume de cheval et revenaient évidemment d'une promenade. « Ah, voilà Mireille !» dit en français Maximilien de Wolberg. Les autres tournèrent la tête de ce côté et Lady Isabelle s'écria joyeusement « Déjà prête, Magali, toujours exacte. Il faudra attendre un peu, Madame de Sollefeuille n'est pas encore rentrée. Mais avancez donc, on dirait que vous avez envie de rester à la porte. Venez nous montrer encore votre joli costume. Il était peut-être le plus simple de tous, et cependant, il a eu un succès. N'est-il pas vrai, Milord ?» Une approbation unanime lui répondit, et Magali, respectueusement saluée, dut entendre encore des compliments, fort sincères, mais qui lui causaient beaucoup plus d'ennui que de plaisir. Seul, Lord Gérald se tenait à l'écart. Il causait avec Freddy et avait paru s'apercevoir de la présence de Magali tout juste autant que l'exigeait la stricte politesse. « Isabelle, allez donc retirer votre amazone. Madame de Sollefeuille va rentrer et vous ne serez pas prête pour la séance de peinture. » dit-il tout à coup en se tournant vers sa sœur qui causait gaiement, sans s'apercevoir que Magali, visiblement fatiguée, répondait sans entrain et souriait avec effort. « Mais je n'ai pas besoin d'y assister, Gérald, » dit-elle surprise. « La baronne et Magali sont officiellement présentées. J'irai seulement leur donner quelques petits avis et juger des progrès de l'œuvre. » « Inspectrice des Beaux-Arts, » dit en riant le comte Maximilien. « Moquez-vous de moi, Max, parce que je n'ai pu venir à bout d'une méchante petite aquarelle. Oh, je ne pose pas pour l'artiste, vous savez, mais je suis capable de juger ce qui est beau ou laid. Et si, par hasard, le pinceau de Madame de Sollefeuille s'avise d'en les dire sans le vouloir ma jolie Magali, je saurais bien le voir, j'imagine. Je suppose que votre capacité ira jusque-là, Bella, » dit le duc avec un vague sourire. « Mais n'ayez rien à craindre de ce genre. Madame de Sollefeuille est une artiste et elle fera un chef-d'œuvre. Freddy, venez donc avec moi. Je veux vous montrer dans la galerie le Rubens dont nous parlions hier avec Lord Lowthead. Et vous, Magali, allez dans le salon vert. C'est là qu'aura lieu la séance. Je vous y rejoindrai tout à l'heure, » dit Isabelle en adressant à son amie un amical sourire. Elle s'éloigna vers l'escalier, ainsi que les autres jeunes gens, tandis que le duc et Freddy se dirigeaient vers une des portes du hall. Au moment de l'ouvrir, Lord Gérald s'arrêta et se tourna vers Magali, qui devait aussi gagner par là la pièce indiquée. « Êtes-vous tout à fait remise de votre effroi d'hier, Miss Magali ? » demanda-t-il. « Pas complètement, Milord. Cette impression m'est demeurée toute la nuit. » Il me semblait encore sentir sur moi ces prunelles étranges, si bien qu'il m'a été absolument impossible de fermer les yeux. Rassurez-vous, il doit être loin d'ici à cette heure. Il paraît qu'il a disparu mystérieusement, personne ne l'a vu ce matin, son appartement est vide. Je me demande quelle sorte d'aventurier peut être cet individu. Cependant, j'en avais les meilleures recommandations, mais ceci prouve une fois de plus qu'il faut se méfier quand même. Bella, lorsqu'elle apprendra l'aventure, sera tout à fait fière d'avoir montré plus de perspicacité que son frère. » Tout en parlant, il avait ouvert la porte et se reculait pour laisser passer Magali. Il s'inclina légèrement et, passant le bras de Freddy sous le sien, se dirigea vers la galerie, tandis que la jeune fille gagnait le petit salon très clair qui avait été choisi pour les séances de peinture. Il était désert. Magali, très lasse de sa nuit sans sommeil, s'assit non loin d'une fenêtre ouverte par laquelle entrait l'air frais et le clair soleil de cette matinée d'automne. Cette pièce, tendue de soie vert pâle, brochée de grandes fleurs d'argent, ornée de meubles délicieux, de rien fragile, d'étincelantes verreries de bohème, était une retraite exquise. Magali, la tête appuyée au dossier d'un petit canapé, s'engourdissait un peu dans un bien-être soudain. Elle fermait les paupières et aspirait doucement l'air très vivifiant, chargé depuis quelques minutes d'un léger parfum. D'énormes violettes, cultivées dans les serres d'Oker Park, s'épanouissaient dans une corbeille de sèvres tout près d'elle. Mais elles étaient dépourvues de parfum. Cependant, elles en exhalaient un aujourd'hui, et, chose singulière, il devenait de seconde en seconde plus pénétrant. Mais vraiment, non, ce n'était pas l'odeur de la violette. Cet arôme était subtil, exquis, mais un peu enivrant. Et une sorte de buée emplissait maintenant la pièce, enveloppait Magali à demi étendue. Elle voulut se redresser, soulever tout à fait ses paupières, mais sa tête retomba, très lourde, la nuit se fit complète dans son cerveau. Cinq minutes plus tard, surgit un long corps maigre, surmonté d'un visage blême et rigide. Des yeux gris, durs et triomphants, se posèrent sur la jeune fille immobile, telle dans son étrange sommeil que devait être Mireille, rendormie à jamais par le brûlant soleil de la croix. Ah ah, on ne prend pas sans verre un vieux routier comme moi, murmura-t-il avec un rictus mauvais. J'ai plus d'un tour dans mon sac, et de gré ou de force, comme je vous l'ai dit, vous serez Mistress Roswell, Miss Magali. Eh eh, votre part d'héritage vaut bien la peine que je me donne. Il enjamba complètement la fenêtre et s'approcha de Magali. Pendant quelques secondes, il appuya son doigt sur le poignet de la jeune fille. Bon, il n'y a rien à craindre, je n'ai pas forcé la dose. Décidément, mon vieux Brahman était un fameux maître. Maintenant, il s'agit d'emporter au plus tôt ce précieux fardeau dans la petite cachette que j'ai eu la chance de découvrir en furetant dans cette demeure. Est-ce réussi ? Je me venge à la fois d'elle et de ce duc de Saldiv que je hais. » Tout en parlant, il soulevait Magali, complètement inerte. Seul, un souffle très léger révélait qu'elle vivait. « On vient » murmura-t-il. Et, saisissant brusquement la jeune fille, il s'élança vers une porte qui conduisait à un petit couloir de dégagement. Mais une autre porte s'ouvrait derrière lui. Lord Gérald et Freddy apparurent. Le secrétaire eut un blasphème. Laissant tomber Magali, il sortit un revolver et fit feu sur le duc qui s'élançait. La balle atteignit Freddy qui avait vu le geste et s'était jeté devant son ami. Le jeune homme, frappé à l'épaule, s'affaissa avec un gémissement. Le duc se précipita sur Roswell, il réussit à faire tomber le revolver, enlaça le misérable de ses bras nerveux, le coucha presque sur le sol. Mais Roswell était, lui aussi, d'une force peu commune. Il se redressa tout à coup, sa main réussit à saisir dans sa poche un court petit poignard hindou très affilé que le jeune homme sentit tout à coup s'enfoncer dans son bras. Le duc eut un brusque mouvement de côté. Un corps souple bondit tout à coup par la fenêtre ouverte, s'élança sur Roswell. Les crocs d'Alary, le bel épagneul, s'enfoncèrent dans la chair du misérable, dont les doigts laissèrent échapper le poignard. Le jeune homme réussit à le saisir à la gorge, il le ploya à terre et parvint, par un prodige de souplesse, à ramasser l'arme, dont la lame s'enfonça vigoureusement dans la poitrine de l'agresseur qui perdit connaissance. Le duc se redressa et s'élança vers Magali. Un peu de sang coulait de son front qui avait heurté l'angle d'un meuble. Mais cette blessure semblait sans importance et l'évanouissement de la jeune fille ne devait être dû qu'à la terreur. Le jeune homme se retourna vers Freddy. Celui-ci était inanimé aussi, mais grièvement atteint. Il fallait des secours immédiats. Et quelques instants plus tard, la domesticité, appelée par la sonnerie du maître, répandait dans tout le château la nouvelle de l'attentat. Mademoiselle Amélie accourut, affolée, suivie de son frère, puis la duchesse, Lady Isabelle et la plupart des hôtes d'Oker Park, tandis qu'un domestique à cheval partait ventre à terre à la recherche du médecin. Lord Gérald avait étendu Magali sur le canapé, et tandis que Mademoiselle Amélie et la duchesse s'occupaient de la jeune fille, Il donnait maintenant ses soins à Freddy dans le salon voisin, avec l'aide de Maximilien de Wolberg, qui avait fait quelques études de médecine. Les traits crispés du duc se détendirent un peu lorsque son cousin émit l'espoir que le poumon n'était pas atteint. « S'il en est ainsi, ce sera peu de chose. Mon courageux petit ami, mon Fred bien-aimé » murmura-t-il en baisant tendrement la main inerte du jeune blessé. « Mais vous êtes atteint aussi, Gérald !» s'écria Lady Isabelle avec terreur en voyant le sang qui coulait de la manche de son frère. « Oh, ce n'est rien du tout !» dit-il avec insouciance. « J'aurai le temps de m'en occuper plus tard. » « Eh bien, mademoiselle Amélie, » demanda-t-il avec anxiété en se tournant vers la vieille demoiselle qui sortait du salon vert. « Il n'y a pas moyen de la faire revenir à elle, » dit mademoiselle Amélie d'un ton d'angoisse. « On ne dirait pas une syncope ordinaire, elle semble sous l'influence d'un sommeil étrange. » « Est-ce que, par hasard, cet individu aurait usé envers elle de ces pratiques mystérieuses qu'il a connues aux Indes ?» s'écria le duc très pâle. Il m'a, un jour, parlé incidemment de victimes endormies par les brahmanes à l'aide d'un procédé qu'il prétendait ignorer et que nul, sauf les initiés, ne pouvait réussir à réveiller. « Pourvu qu'il ne s'en soit pas servi sur Magali !» s'écria Lady Isabelle en joignant les mains. « Je le forcerai bien, dans ce cas, à la réveiller lui-même, » dit le jeune homme, les dents serrées. « Mais, milord, il paraît qu'il est à peu près mort, » fit observer Lord Lowthead, qui était accouru dans les premiers et, la physionomie un peu altérée, un intérêt anxieux dans son regard voilé, n'avait pas quitté le salon où était étendu le blessé et à la porte duquel le duc avait poliment mis tous les curieux qui menaçaient de l'encombrer. Une exclamation de colère s'échappa des lèvres de Lord Gérald. « Ai-je donc été si loin ? Il faut qu'on le soigne immédiatement, qu'on le guérisse à tout prix, » dit-il avec une vivacité presque fiévreuse. « Si vraiment il a usé de quelque procédé mystérieux, il se peut que nous ayons besoin de lui pour la sauver. » L'opinion du docteur vint confirmer cette crainte qui était maintenant celle de tous. Lui non plus ne put parvenir à réveiller Magali. Roswell, presque sans vie, était incapable d'en indiquer le moyen en admettant qu'il l'eût voulu. Le médecin de la Duchesse, un des premiers praticiens de Londres, mandé par télégramme, ne put qu'avouer son impuissance devant ce mystérieux sommeil. Il en fut de même d'un magnétiseur très estimé dans le monde savant. Ceci était un cas inconnu de lui, une de ces pratiques étranges qui demeurent encore le secret des religions orientales. La blessure de Freddy ne présentait aucun danger sérieux, toutes les angoisses se concentraient sur Magali. La grâce, la réserve extrême, les charmantes qualités de la jeune fille lui avaient, plus encore que sa beauté, gagné toutes les sympathies et chaque matin, la duchesse, Lady Isabelle ou Lord Gérald se voyaient entourés des hôtes d'Oker Park, empressés à demander si Miss Dolté était enfin éveillée. Mais le 9e jour après l'agression, ce fut encore une réponse négative que le duc adressa à cette question faite par sa cousine Juliane, comme il descendait de chez le père Noué, où il avait été aux nouvelles. Sa sœur, qui le suivait, montrait des yeux tout rouges des larmes qu'elle venait de verser près de sa chère Magali. Lui, très sombre, mordait nerveusement sa moustache, sans paraître entendre Lady Dulcet, qui émettait une de ces idées baroques dont elle avait le monopole. « Et dire que c'est ma faute » murmura-t-il tout à coup en frappant du poing sur un petit meuble qui gémit lamentablement. « Si j'avais un peu ménagé ce misérable, il aurait pu parler. » « Il y a du mieux de ce côté à ce que prétend le docteur, » dit Lord Dorwilly. « Oui, mais il n'a pas recouvré ses facultés mentales. Il faut pourtant que l'on trouve un moyen quand je devrais aller jusqu'au fond des Indes, » murmura-t-il en s'éloignant. Sa sœur et Julien de Wolberg le rejoignirent dans le hall. Isabelle glissa sa main sous son bras et leva vers lui son doux regard où demeuraient quelques larmes. « Allons à la chapelle, voulez-vous, Gérald ? Nous prierons tous trois pour elle, la pauvre chère Magali. Nous prierons tant que nous serons exaucés, j'en suis sûr. » Il fit un signe d'assentiment et ils gagnèrent la chapelle, un peu assombrie par le jour terne de cette matinée pluvieuse. L'hôtel n'avait pas sa parure de fleurs, Magali n'était plus là pour entourer le divin hôtel du tabernacle et sa sainte mère de l'habituelle maison parfumée. Et la voix étouffée d'Isabelle murmura « Il semble déjà qu'elle soit endormie pour toujours !» La prière des deux jeunes filles fut bien fervente. Elle dut, dans la sincérité parfaite, monter jusqu'au trône de la Reine du Ciel, mais celle qui s'échappa ce jour-là du cœur de Lord Gerald, respectueusement agenouillée devant l'autel, était une supplication plus ardente encore, en faveur de celle dont l'air rayonnant et pur lui avait inspiré une admiration silencieuse, de celle que sa raison appuyée sur l'orgueil de Cass lui disait de fuir et qu'il craignait pourtant de ne jamais oublier. « Nous irons chercher des fleurs et nous arrangerons l'autel à la place de la pauvre petite Magali. Voulez-vous, Liane ?» proposa Lady Isabelle à sa cousine en sortant de la chapelle. Julian acquiesça avec empressement et les deux jeunes filles s'éloignèrent tandis que Lord Gerald, le front soucieux, se dirigeait vers son appartement. À la porte de son cabinet de travail se tenait son valet de chambre et Jem. Celui-ci, très vite revenu à une suffisante santé, occupait depuis 15 jours un poste subalterne mais peu fatigant dans la domesticité d'Oker Park. « Eh bien, qu'est-ce que vous faites là ?» demanda le duc avec surprise. « C'est ce garçon qui demandait à parler à votre grâce, » répondit respectueusement le valet de chambre, tout en coulant un coup d'œil dédaigneux vers Jem. Et il insistait pour savoir quand il pourrait être reçu. « Qu'y a-t-il donc, Jem ?» demanda le duc avec bienveillance. « Je voulais dire, votre grâce, lui montrer, » balbutia Jem, très rouge. « Quoi donc ?»« C'est pour Miss Magali, quelque chose qui pourrait peut-être la réveiller. » La physionomie un peu distraite de Lord Gerald s'éclaira subitement. « Ah, si vraiment vous trouviez cela, Jem !» « Venez avec moi, vous allez me dire de quoi il s'agit. » Il entra, suivi du jeune domestique, dans son cabinet de travail, s'assit près de son bureau et dit « Maintenant, parlez, Jem. » Jem tira de sa poche un vieux petit volume dont la couverture s'en allait par lambeaux. « C'est un livre qui appartenait à mon père. » Celui-ci avait été soldat des Indes, il avait connu là un vieil Anglais qui fréquentait beaucoup les prêtres de par là-bas et essayait de connaître leurs secrets en faisant semblant de trahir sa patrie. Cet Anglais écrivit un livre là-dessus, mais comme il y avait mis des choses qui choquaient le vice-roi d'alors, celui-ci fit saisir et brûler les exemplaires. Un seul fut égaré et tomba entre les mains de mon père qui le lut, y trouva de l'intérêt et le garda. « C'est lui qui m'a raconté tout cela et il m'a souvent lu des passages bien curieux. Hier, je me suis rappelé tout d'un coup qu'il était question là-dedans d'un sommeil comme celui de Miss Magali. « Donnez !» dit vivement le duc en étendant la main. Jem lui présenta le volume à la page qu'il avait marquée et Lord Gerald lut tout haut. « Parmi les plus curieuses pratiques que je vis opérer par ce prêtre de Cali, se trouve un sommeil mystérieusement procuré par une liqueur contenue dans une fiole de cristal. Cette fiole, même brisée à une certaine distance de la victime, dégage un si intense parfum que celle-ci succombe presque aussitôt à un invincible sommeil qui peut durer des jours, des mois, des années même, assure-t-on, selon la force de résistance du sujet. Il m'a été impossible de connaître la composition de ce liquide. Je n'aurais même pu savoir le moyen employé pour tirer de ce sommeil si le hasard ne me l'avait fait surprendre un jour. Il s'agit simplement d'exposer le sujet à un soleil ardent. J'ai vu ainsi une jeune femme demeurer 3 heures sous un véritable incendie de rayons, se redresser et revenir à la vie normale sans se souvenir de rien, sans aucune altération dans l'organisme. Il y avait dans le salon vert un parfum très particulier, un peu grisant. Murmura le duc dont le regard s'illuminait. « Si ce pouvait être cela !»« Jem, je garde votre livre. Allez, mon garçon, et revenez me voir demain. Je vous dirai ce qui sera décidé pour Miss Magali, car il est bien juste qu'un brave cœur reconnaissant comme vous soit tenu au courant de ce qui concerne sa bienfaitrice. » J'aime s'éloigna, rayonnant de cette parole qu'avait accentuée un signe cordial du maître. Et Lord Gérald monta rapidement chez le père Noué, avec lequel il eut une longue conférence, terminée par ces mots du religieux. « Il faut en tout cas essayer. Demain, ma sœur et moi partirons avec elle pour Cannes ou Menton. Et si le soleil n'est pas assez ardent, allez aux Indes, allez où il faudra, mon père. Mon yacht est à votre disposition. Je vais télégraphier au capitaine de le diriger vers Cannes. » Le pénétrant regard du père Noué se posa sur la physionomie du jeune homme, éclairé par l'espoir que venait d'apporter l'humble Jem. Nul, comme le religieux, n'avait pénétré la nature de Lord Gérald, connu par lui dès l'enfance, préparé par lui à sa première communion, suivi ensuite de loin par sa discrète sollicitude. Nul, comme lui, ne connaissait les délicatesses d'affection dont était capable ce cœur, à la fois réfléchi et enthousiaste, naturellement attiré vers les hauts sommets de la morale, mais qui se dérobait sous un voile de froideur et d'ironie, sous l'orgueil héréditaire développé par l'admiration de tout son entourage. Si, parfois, le jeune duc avait consenti à soulever ce voile, ça avait été uniquement devant cet ami spirituel dont les conseils, seuls, avaient toujours été supportés. Et, en rencontrant le regard du religieux, à la fois mélancolique et compatissant, Lord Gérald eut l'intuition que cet homme, accoutumé à sonder les consciences, avait pénétré le secret de son cœur. Se penchant vers lui, il lui prit les mains et les pressa avec force. « Oui, murmura-t-il, je ferai tout au monde pour la ramener à la vie. Et cependant, personnellement, que m'importe? Morte ou vivante, je dois l'oublier. » fit-il d'un ton d'amère douleur. J'aimerais même mieux en un sens qu'elle fût morte, car alors je ne me dirais pas à tout instant de ma vie que je passe près du bonheur, que je n'ai peut-être qu'un mot à dire pour le conquérir. Non, mon enfant, ce serait beaucoup plus difficile que cela, répliqua tranquillement le père Noué. Magali, en admettant que vous le lui offriez, refuserait certainement de devenir duchesse de Saldif. « Ah » murmura-t-il, « c'est qu'elle craindrait probablement encore cette violence dont elle a eu la preuve sanglante autrefois, pauvre petite. Elle ne me croit pas vraiment amendée sous ce rapport. » Non, ce n'est pas cela, mais Magali a une âme très fière et il me paraît à peu près certain qu'elle n'accepterait pas de franchir ainsi les distances sociales, de risquer d'être accueillie à contre-cœur par la parenté et les relations de son mari, de voir celui-ci, qui sait, regretter à certains moments un acte qui n'aurait été peut-être qu'un entraînement passager. Un entraînement passager, plût au ciel qu'il en fût ainsi. Mais nous échangeons là d'inutiles paroles, car ce mariage est impossible. Un vieux nom, un rang élevé, sont souvent de lourdes entraves, mais il ne m'appartient pas de fouler aux pieds les sévères traditions de ma race. Est-ce votre avis, mon père ? Le père Noué appuya son menton sur sa main et considéra pensivement la physionomie un peu contractée de son interlocuteur. « Mon cher enfant, en thèse générale, je n'admets pas les mésalliances aussi éclatantes que le serait une union entre vous, l'un des principaux d'Angleterre, et Magali Dolté, cet enfant recueilli et élevé par charité et dont l'origine maternelle nous demeure inconnue. » Il ne s'agit pas ici, milord, de flatter et d'encourager votre orgueil de caste. Souvent, je vous l'ai reproché, avec la sainte liberté du ministre de l'Évangile. Cependant, bien que les vaines distinctions du monde ne soient rien devant Dieu, il les permet comme une séparation entre les classes sociales. Les mariages du genre de celui-ci ont souvent donné lieu à des regrets, à des souffrances de part et d'autre. Il peut se faire pourtant que la providence ait des vues particulières, à nous inconnues, qu'elle destine parfois l'un à l'autre des êtres séparés par leur rang, mais appelés néanmoins, par leur qualité morale, à se compléter harmonieusement dans une union bénie. Ceci est le secret de Dieu et il faut auparavant passer par l'épreuve du temps. Milord, lorsque vous aurez quitté Hooker Park, essayez loyalement d'oublier. Oui, « je me le suis promis. Ce sera long, beaucoup plus long et difficile que je ne le pensais d'abord, dit-il d'une voix sourde. Encore si elle ne souffre pas, elle. Le père Noué, sans répondre, détourna un peu les yeux du regard anxieux qui se posait sur lui. Mais ce silence était suffisant pour Lord Gérald. Ah, murmura-t-il amèrement, voilà ce qui serait le plus dur si vraiment cela était. Penser que je ne pourrais avoir ce bonheur et me dire, au contraire, que non seulement je ne suis pas seule à souffrir, mais qu'elle aussi peut être. Elle, mon enfant, en admettant qu'une chimère ait traversé son jeune cœur, acceptera également son sacrifice avec courage, elle vous donnera l'exemple de la résignation paisible dans le travail, dans l'abandon à la volonté divine. C'est une petite âme très énergique qui ne vogue pas dans le rêve et sait regarder en face les nécessités de la vie. Celles-ci sont dures parfois, mais inéluctables, pour les cœurs droits, tels que le sien, tels que le vôtre, Milord. Oui, il le faut. Mais si je pouvais souffrir à sa place, dit-il en prenant congé du religieux. Pauvre enfant, comme il l'aime sincèrement et fortement, murmura le père Noué lorsque le jeune homme se fut éloigné. Cependant, il lutte avec énergie, il luttera tant qu'il pourra, je le connais. Ah, les affections humaines, quelles amertumes sont cachées sous leurs fleurs! Bienheureux ceux qui sont appelés, comme moi, à s'attacher uniquement à celui qui ne manque jamais. Le lendemain, Mademoiselle Amélie, son frère et Magali, toujours endormis, prenaient le train à la petite gare de Cunningham, laissant Freddy, d'ailleurs en bonne voie de guérison, à l'affectueuse sollicitude de Lord Gérald qu'il avait fait transporter dans son appartement afin d'être à même de se trouver plus souvent près de lui. Trois jours plus tard, comme le duc allait monter à cheval pour la dernière chasse à cour de la saison, la femme de chambre de sa mère vint lui présenter une dépêche ouverte dont il se saisit avec vivacité. Le pli, qui ne quittait plus son front depuis quelques jours, s'effaça subitement. Se tournant vers les chasseurs et les amazones qui l'entouraient, il dit d'une voix où passait une vibration d'allégresse « Je crois que tous ici s'intéressent à la victime de ce misérable Roswell. Or, ma mère vient de recevoir un télégramme lui annonçant que Miss Dolté est enfin réveillée. » Un cri de joie d'Isabelle lui répondit. De toutes parts s'élevaient des exclamations satisfaites et des réflexions surprises sur le résultat si singulièrement obtenu. « Je vais prévenir Freddy, je vous rejoindrai tout à l'heure, » dit Lord Gérald en s'éloignant rapidement. « En vérité, il nous faudra bientôt être tous à la disposition de ce Freddy, » murmura Lady Ophélia en tourmentant nerveusement le manche de sa cravache. « Un domestique n'aurait-il pas aussi bien fait la commission ?» Le cœur si délicat de Gérald a jugé plus simple d'aller lui-même rassurer son ami et jouir en même temps de son bonheur. Répliqua tranquillement Lord Orwilly. Son ami, ce garçon, dit la jeune fille d'un ton méprisant. C'est un caprice de Gérald, il passera comme les autres, et nous n'entendrons plus parler de ce Freddy dont il est féru aujourd'hui. C'est égal, il est fort heureux que Miss Olté se soit décidée à s'éveiller, fit observer Misetti d'un ton beau cœur. Le duc et Lady Isabelle elle-même, si gaies et insouciantes d'ordinaire, avaient des mines de plus en plus assombries. Je suis de l'avis de l'aider au cœur. Ils exagèrent tous deux les attentions envers ces jeunes gens. Comme l'autre jour, par exemple, où le duc nous a quittés à l'heure du lunch parce que son cher frère ne retrouvant pas l'appétit, il voulait essayer si le plaisir de le voir partager son repas ne réussirait pas à le faire manger un peu. Et il suffit qu'il lise un désir dans les yeux de son favori pour qu'aussitôt tout soit mis en branle afin de le satisfaire. Il semble vraiment oublier que ce petit Freddy et sa sœur ne sont que des inférieurs. Une expression railleuse parut sur la physionomie spirituelle du jeune officier. C'est que, Miss Ludler, mon ami Gérald et Lady Isabelle, très arriérés sous ce rapport, ne considèrent pas seulement les gens selon l'ancienneté de leur origine, bien moins encore, oh, beaucoup moins, d'après le chiffre de leur fortune, mais que les vertus, la grâce et l'intelligence, jointes au malheur, leur semble digne d'égard qu'ils ne prodiguent pas indistinctement, ainsi que vous avez pu le remarquer. » Les lèvres de l'Américaine se pincèrent un peu, son regard irrité se posa sur le lieutenant. Celui-ci, sans paraître s'en apercevoir, se dirigea vers Lady Isabelle afin de l'aider à se mettre en selle. « À la bonne heure, milord, vous l'avez gentiment collé !» dit en français la jeune fille qui se permettait quelques mots d'argot lorsque l'oreille sévère de son frère ne se trouvait pas là. « Des inférieurs, voyez-vous ça ? Qu'est-elle donc, elle ? Je parierais bien que le grand-père de Magali ne ramassait pas des boîtes de conserve vides dans les rues d'Arles. » « Bella, vous manquez de charité, » dit Juliane de Volbert d'un ton de reproche. « Vous ne laissez jamais passer une occasion de dire quelque chose contre cette jeune personne. » « Ma petite Liane, à qui la faute ? Je n'aurai jamais l'idée de rappeler la très modeste origine de Miss Woodler sans les prétentions outrées et les attaques qu'elle dirige souvent contre ma chère Magali. Et je vous avoue que je mets celle-ci à 100 coudées au-dessus d'elle, malgré toute la kyrielle de millions et les innombrables toilettes, chefs-d'œuvre de Paquin, dont elle cherche à nous éblouir. Non, je veux dire, à éblouir Gérald. » « Et Lord Rupert, » ajouta Lord Orwilly, qui venait d'aider la jeune comtesse de Volberg à se mettre en selle. « Car il me semble, mon cher, que devant l'indifférence absolue de Gérald, elle cherche à se rabattre sur vous, en considération de votre future marquisat. »« Oh ! Elle doit être fixée sur mon opinion au sujet de mariage de ce genre, car je la lui laisse suffisamment voir. Mais au prix qu'elle peut y mettre, elle trouvera ce qu'il lui faut. » « Seulement, elle s'est trompée d'adresse en venant ici, voilà tout. » 8 jours plus tard, le père Noué, sa sœur et Magali étaient de retour à Hawker Park. La duchesse, Lady Isabelle et Julianne de Volberg s'étaient rendues au-devant de la petite ressuscitée. Celle-ci, tout à fait revenue à son état normal, les remercia avec effusion et s'informa bien vite des nouvelles de Freddy. Il est descendu aujourd'hui pour la première fois en votre honneur, Magali chérie, dit Lady Isabelle. Le sévère Gérald lui a permis. Je vous assure que votre blessé était en bonne main, mademoiselle Amélie. Ce n'est pas sous la surveillance de Gérald qu'il aurait fait des imprudences. Je suis vraiment confuse des ennuis dont nous avons été cause pour vous tous, murmura Magali. « Taisez-vous, enfant, » dit la duchesse avec une amicale petite caresse. « Vous avez été la victime des machinations de ce Roswell. Mon fils, indépendamment de la dette contractée envers Freddy qui lui a sauvé la vie, devait faire tout son possible pour réparer les criminels menés de ce misérable, et nous comme lui, d'autant plus que Freddy et vous, vous êtes très loin d'être des étrangers pour nous. Vous le savez bien, Magali. » « Oui. « Je sais que vous êtes tous si bons, trop bons, » dit-elle d'une voix un peu étouffée. C'était le soir, le hall était brillamment illuminé, comme le petit salon où Lady Isabelle conduisit les voyageurs. Freddy était là, assis dans un fauteuil, près de la cheminée, où brûlait un feu de bois nécessité par la fraîcheur de cette soirée automnale. Près de lui, Lord Gérald causait gaiement, tout en caressant la belle tête d'Alary, appuyée sur ses genoux. « Voilà Magali, ma Magali !» s'écria tout à coup Freddy. Magali s'élança vers lui, l'entoura de ses bras, riant et pleurant à la fois. Le duc s'était discrètement écarté. Il s'informait près du père Noué et de mademoiselle Amélie des détails de la cure si inopinément découverte. Il s'interrompit tout à coup en voyant Magali s'avancer vers lui. « Comment remercierai-je votre grâce de m'avoir sauvée cette fois encore ? » dit-elle avec une émotion qui faisait un peu trembler sa voix. « Sans son intervention, que serait-il arrivé ? » ?»« Vous voudrez bien, je vous prie, considérer cela seulement comme une légère réparation pour le passé, Miss Magali, » dit-elle doucement. « Ce serait attacher trop d'importance à ce petit épisode qui n'en a eu en réalité aucune, milord. Mais il est assez naturel au duc de Saldiv de réparer ses erreurs avec la plus extrême générosité. » Très bien, Magali, à moi aussi, il est interdit de remercier. Cependant, si tu savais comme j'ai été soignée et gâtée, s'écria Freddy avec ravissement. Allons, taisez-vous, jeune fou, dit Lord Gérald en feignant l'impatience. Et si vous tenez absolument à remercier quelqu'un, Miss Magali, il y a ce brave Jem qui nous a donné le moyen de vous réveiller et qui mérite bien quelque reconnaissance. Et voilà Larry qui en réclame aussi sa part, ajouta-t-il en voyant le chien bondir autour de Magali avec de petits cris joyeux. Sans son intervention, je n'aurais peut-être pas eu raison de ce misérable à la merci duquel vous seriez demeuré. Aussi est-il devenu un important personnage. Allons, Isabelle, nous n'avons que le temps de nous habiller pour le dîner. Laissons Mademoiselle Amélie et la jeune ressuscitée se reposer de leur voyage. Nous nous sommes arrêtés à Arles, dit Mademoiselle Noué. Magali désirait connaître le lieu d'origine de sa famille. J'ai vu la maison où est né mon père, ajouta Magali avec émotion. Le patron de l'hôtel où nous sommes descendus l'a connu. Il paraît qu'il était très beau, extrêmement aimable et gai, aimé de tous. Ce fut un coup de tête qui le fit partir pour l'Amérique. Pendant 2 ans, ses amis reçurent quelques nouvelles, puis ce fut fini. J'ai été bien heureuse de connaître le pays de ce pauvre père, un inconnu pour moi, dit-elle pensivement. L'hôte m'a reconnue à ma ressemblance avec lui. Il paraît que je suis une vraie Arlésienne. La plus belle, la meilleure de toutes, dit Isabelle en appuyant calmement sa tête sur l'épaule de son amie. À demain, Magali mignonne, vous me raconterez vos impressions lors de votre réveil. Et puis, vous savez, nos hôtes vont vous réclamer, ils s'intéressent beaucoup à vous. Vous vous dispenserez d'ennuyer Miss Magali en la soumettant à la curiosité, sympathique, je le veux bien, mais fatigante, de tous ces gens inoccupés, interrompit le duc d'un ton positif. Je me doute qu'elle n'y tienne aucunement, et ceux qui lui portent un réel intérêt sauront la trouver chez Mademoiselle Noué ou chez vous. À demain, Fred, je crois que cette épaule est vraiment presque bien. Il tendit la main au jeune homme. Celui-ci, se penchant, l'effleura de ses lèvres. Que vous êtes enfant, Fred, dit Lord Gérald d'un ton demi-mécontent, demi-ému. Mon cher Lord, je vous aime tant, répliqua Freddy en levant vers lui ses grands yeux bleus étincelants de tendresse. La main du duc se posa, caressante, sur les épaisses boucles brunes. Moi aussi, je vous aime, mon Fred, dit-il de sa belle voix chaude. Je vous aime même doublement, il me semble, depuis ces derniers temps, où j'ai eu l'occasion d'une présence plus assidue près de vous. Je vous considère comme un jeune frère, et encore, un frère aurait-il été pour moi, affectueux et charmant comme vous, mon ami Fred. Lorsque le duc et sa sœur se furent éloignés, Magali vint s'asseoir près de Freddy. Celui-ci posa un regard interrogateur sur le beau visage de la jeune fille, légèrement assombri. Tu n'es pas jalouse, dit Magali, demanda-t-il tendrement. Tu sais, c'est toi qui as toujours la première place dans mon affection, ma petite sœur chérie. Mais il est si bon, si délicatement affectueux. Non, mon Fred, je ne suis pas jalouse, rassure-toi, dit-elle avec un sourire un peu mélancolique. Aime-le tant que tu voudras, il le mérite, il a droit à une reconnaissance dont le poids s'augmente chaque jour avec ses bienfaits. Mais en vérité, il serait peut-être préférable d'avoir à le détester comme autrefois, acheva-t-elle en elle-même.